Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Le Parrain, le film culte de Francis Ford Coppola. On m'a proposé un travail pour diriger ce qui allait devenir un film policier qui s'appelait Le Parrain, qui coûtait très peu d'argent. Je pensais que ça ne marcherait pas. Moi, je voulais faire des films d'art. George Lucas a dit, on a besoin de l'argent, quand même. Alors, j'ai accepté. Francis Ford Coppola, à la télé française en 1979. Coppola qui explique à Michel Drucker dans quelles circonstances il a finalement accepté de réaliser le film Le Parrain. Autant Coppola n'était pas le premier choix de la production, autant il a lui-même donc hésité à faire ce film. C'est son ami, son associé, George Lucas, il le signalait rapidement dans cet extrait, qui l'a convaincu de dire oui. Question de se renflouer financièrement. Le Parrain va s'avérer finalement l'un des plus grands succès du cinéma américain, tant et si bien que Coppola va réaliser par la suite Le Parrain 2 et Le Parrain 3. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. But let's be frank, you never wanted my friendship. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Tout est là dans cet extrait qu'on vient d'entendre. La musique, bien sûr, la performance exceptionnelle de Marlon Brando et son personnage du parrain surtout. Ce parrain tout-puissant vers qui l'on se tourne, un peu comme l'on se tourne vers Dieu pour l'implorer de nous venir en aide devant l'adversité. Le Parrain va devenir un film mythique, mais la petite histoire autour du film va être, elle, complètement rocambolesque. Pour nous la raconter, mon invité, la critique de cinéma et Eddie Mestre de la section cinéma du site radiocanada.ca, Hélène Faradji. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Jusqu'à quel point et pourquoi, Hélène, ce film, Le Parrain, est aussi important dans l'histoire du cinéma américain? C'est un film extrêmement important parce qu'en 72, au moment où Coppola le réalise et le sort, le cinéma criminel existe, évidemment, mais n'a jamais atteint cette ampleur. C'est-à-dire que Coppola, on l'a évidemment choisi, la Paramount l'a choisi pour ses origines italiennes, mais ce qu'il a retenu aussi du cinéma italien, et en particulier de Visconti, c'est le sens de la saga, de la fresque familiale. Donc c'est un film qui vraiment réussit à prendre une dimension épique qui jusque-là était peut-être un peu absent du cinéma d'auteur slash grand public américain. C'est beaucoup plus qu'un film. D'ailleurs, il voulait pas, lui, on va y revenir, mais il voulait pas faire juste un film sur la mafia. C'est plus que ça. C'est un film, c'est la famille, c'est la culture italienne. Tout à fait. C'est un portrait de société. C'est d'abord et avant tout un film sur la famille. C'est le grand thème de Coppola dans tout son cinéma, d'ailleurs, dès le début, et qui va exacerber, évidemment, dans le Parrain, parce que c'est d'abord et avant tout l'histoire d'un fils qui est Michael Corleone, le fils du Don, qui est interprété par Marlon Brando, et qui au départ va refuser sa position dans la mafia. Donc il revient de la Deuxième Guerre mondiale et il ne veut pas faire partie de l'empire créé par son père. Mais pourtant, le mal va s'insinuer en lui et va le forcer à prendre les rênes de l'organisation. Et donc, c'est toute cette tension entre l'envie d'être un Américain respectable, de se fondre dans les lois de la société normale, et la facilité du monde du crime qui est déjà organisé, qui l'attire. En fait, Le Parrain, quand on le regarde, quand on regarde même les trois épisodes, c'est l'histoire d'une malédiction. C'est-à-dire, comment est-ce que Michael Corleone va essayer de se battre contre cette malédiction familiale, mais va finalement céder à son ADN de gangster, d'une certaine façon. C'est la fatalité, il n'a pas le choix, le destin le rattrape. Et c'est une tragédie grecque, en fait. Quand on regarde la structure du film, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire comment le destin va s'abattre sur un homme et va le forcer à faire des choix qui auront sa peau. Et c'est avant d'être un film, puis deux, puis trois, c'est un roman, un roman qui va marcher très, très fort. Hollywood, très vite, flaire l'affaire. Oui, tout à fait. Alors, Paramount, en fait, achète sur quelques pages à peine le roman de Mario Puzo, qui est consacré à la mafia, donc on commence à en entendre parler. Et dès l'annonce de cet achat, la Ligue des droits civils italo-américaine s'alarme en disant « Mon Dieu, quelle image on va donner de la communauté, ça va être terrible ». Et plutôt que de refroidir les ardeurs de la Paramount, en fait, ça excite l'appétit des lecteurs qui achètent le livre par millions. Donc le livre devient un best-seller alors qu'il y a déjà une option dessus. Et l'attente devient démesurée. Donc la Paramount cherche un réalisateur qui va être à même de faire de cet ouvrage-là un film qui à la fois calmera les inquiétudes de la Ligue des droits civils italo-américaine et pourra répondre aux attentes générées par le best-seller. Et c'est cette tiédeur de la communauté italo-américaine va jouer en faveur de Coppola. D'abord, il n'est pas là au début. Non, pas du tout. Il n'est pas dans la mire de Paramount. Pas du tout. Alors, Paramount, en fait, contacte d'abord Peter Yates, qui est le réalisateur de Bullitt, qui refuse. Ensuite, va contacter Arthur Penn, réalisateur de Bonnie and Clyde, qui lui non plus veut rien savoir. Ils vont même jusqu'à contacter Costa Gavras, réalisateur de Z, qui lui non plus ne veut pas toucher à cette patate chaude. Et finalement, Paramount se dit « Eh bien, on va prendre un réalisateur d'origine italo-américaine. Ouais. » Quelle belle caution. Exactement, ça nous donne une caution. Et au départ, Coppola dit non. Parce que lui aussi a peur de donner une mauvaise image de la communauté italo-américaine. Et finalement, parce que Coppola, il faut savoir qu'avant d'être contacté, a des soucis financiers. Ouais. Des soucis financiers assez graves parce qu'il a décidé de créer sa propre compagnie de production pour faire concurrence au studio. Et au départ, il réussit à convaincre la Warner de financer les 7 premiers films qu'il va faire avec sa compagnie qui s'appelle American Zoetrope. Sauf que le premier film qu'il décide de produire, c'est THX 1138 de George Lucas et la Warner déteste, mais déteste radicalement au point de lui demander de rembourser tout l'investissement pour les 7 films prévus. Donc, on parle de plus de $600,000 à l'époque. Et en fait, Coppola, à ce moment-là, est pris à la gorge. Il n'a pas le choix de rembourser une somme énorme, ce qui va l'aider, évidemment, à accepter la proposition de Paramount, même si au départ, il a beaucoup de réticence. Ouais. Donc, c'est pour l'argent, carrément, qu'il accepte. Ce sera pas simple, par ailleurs. Il y a vraiment l'histoire du parrain comme telle. On a vu pourquoi déjà c'était un film d'exception. Mais il y a toute l'histoire de la préparation qui est aussi exceptionnelle. Ce sera une succession de tensions, de bras de fer. Et ça commence dès l'écriture du scénario, Hélène Faradji. Oui, en effet, avec Mario Puzo. Donc, on demande à Coppola de coécrire le scénario avec Mario Puzo. Ils s'y mettent. C'est un petit peu compliqué, mais c'est surtout la Paramount qui veut intervenir dès le départ. Donc Robert Evans, qui est un des plus grands producteurs hollywoodiens à l'ancienne, qui veut laisser sa marque sur le projet, qui intervient et Coppola ne supporte pas cette façon de faire et très rapidement va vouloir montrer son indépendance par rapport au studio et dire non, je veux qu'on aille dans telle direction. Et la première de cette direction, c'est de refuser ce que voulait la Paramount, c'est-à-dire de transposer le parrain à un univers contemporain, dans les années 70. Pour que ça coûte moins cher. Pour que ça coûte moins cher, et aussi de délocaliser et de ne pas tourner à New York. Ils voulaient faire ça à Saint-Louis? À Saint-Louis, oui. Parce que probablement qu'ils avaient des extérieurs un peu plus facilement filmables qu'à New York même. Et Coppola est intransigeant sur ce point. Pour lui, ça doit se passer au retour de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'effectivement, le personnage de Michael Corleone revient comme un héros de guerre. Donc si on enlève cet élément, on enlève une dimension très importante à ce personnage-là. Et il voulait aussi tourner dans les rues de New York parce que pour lui, il y avait une vérité à aller chercher dans les gestes, dans la façon dont les acteurs pouvaient évoluer dans la rue, qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs qu'à New York. Il y a un autre élément de tension qui va être très, très important. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une petite affaire, le choix des acteurs. On écoute un autre extrait de cette entrevue donnée par Francis Ford Coppola à TF1 en 1979 sur cette bagarre autour de la distribution. Après, ils m'ont demandé qui je voulais. J'ai dit, je veux Al Pacino. Ils l'ont regardé une fois, ils ont dit, il est très petit, celui-là. Et une femme a dit, il n'a pas de sex appeal. Après, j'ai dit, je veux Marlon Brando. Et ils ont répondu, il est déjà fini, Il ne fait que créer des ennuis. On allait me mettre à la porte. Mais le seul problème véritable, c'était que le livre, c'était un best-seller. Ils voulaient faire le film rapidement. Ils ont décidé quand même de miser sur moi. Ils m'ont laissé diriger le film. J'étais mis à la porte chaque semaine, si vous voulez savoir. Enfin, le film est sorti. Et c'est vrai qu'il sera menacé d'être de congédiement presque chaque semaine. Constamment. Mais il va réussir ce premier grand coup. Il impose Brando et... Et Pacino. Alors Al Pacino, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, c'est un tout jeune acteur à l'époque qui n'a qu'un seul film derrière lui, Panic at Needle Park. Donc, ce n'est pas encore un de ces acteurs sur lesquels on peut miser de façon aussi imposante. Mais Coppola va vraiment insister parce qu'il voit dans Al Pacino justement cette tension entre l'innocence de la jeunesse et le mal qui commence à s'insinuer en lui. Et effectivement, Robert Evans, le grand producteur, va finir par accepter cette proposition en ayant ce mot célèbre, il va dire « d'accord, on accepte le nain ». Parce qu'effectivement, Pacino était tout petit. Donc pour Pacino, ça se passe plutôt bien, même si les studios voulaient Warren Beatty ou Robert Redford, qui auraient été des choix peut-être plus consensuels, mais probablement moins intéressants cinématographiquement parlant. Mais pour Brando, là, c'est un vrai bras de fer qui s'engage entre Coppola et le studio. Parce qu'à ce moment-là, Brando a 47 ans. C'est un immense acteur, tout le monde le sait, mais c'est un acteur à problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive sur les tournages en retard, en connaissant pas son texte, en faisant toutes sortes de spectacles autour du tournage. C'est un homme très engagé aussi, donc il y a une parole assez compliquée à porter pour les studios. Et Paramount va dire, bien écoutez, si vous voulez nous convaincre, ce que vous pouvez faire, c'est faire passer des essais à Marlon Brando. Et il accepte. C'est pour dire à quel point le rôle... Ce qui est énorme, Brando, faire une audition pour un rôle, c'est pas le genre de la maison. À cette époque-là, non. C'est-à-dire qu'acteur débutant peut-être, mais à 47 ans, après des films comme Sur les quais, Un tramway nommé Désir, Les révoltés du Bounty derrière lui, effectivement, c'est un peu insultant. Mais il y va et il a cette idée de génie de mettre des Kleenex dans sa bouche. Ça lui donne des grosses bajoues qui ralentissent sa diction, qui lui donnent un air plus imposant, un visage beaucoup plus lourd. Et lui-même disait « je voulais avoir l'air d'un bulldog ». C'était l'image qu'il voulait projeter. Et à ce moment-là, il fait les essais et même la Paramount dit « c'est vous le parrain ». Effectivement, il faut y aller avec lui, c'est l'acteur qu'il faut pour ce rôle-là. Au tout début, ils ne le reconnaissent même pas. Ils disent « il est italien, c'est qui ce type ?» Ils se rendent compte. C'est Brando. C'est ça, il les a mystifiés, donc c'est la preuve qu'il est effectivement un très grand acteur. Mais les ennuis de Coppola ne font que commencer. Première semaine de tournage, donc après une semaine de tournage, à nouveau, le studio veut le virer. Pourquoi? Parce que ça se passe très mal, notamment avec les rushs qui sont montrés à la production, donc les extraits filmés qui ont été faits pendant cette première semaine. Les studios trouvent que l'ambiance est extrêmement sombre, qu'on ne comprend pas ce qui se dit, que le projet de Coppola semble trop auteur et pas assez grand public. Et surtout, il y a des tensions énorme avec le directeur photo qui est Gordon Willis, qui plus tard va travailler pour Woody Allen. Gordon Willis, en fait, c'est un homme assez mégalomane aussi, il faut le dire. Donc entre les deux, entre Coppola et Gordon Willis, ça se passe assez mal parce que Gordon Willis a besoin, pour travailler ses lumières qui sont extrêmement importantes dans Le Parrain, il travaille des clairs-obscurs, beaucoup de scènes d'ombre, il a besoin d'installer ses lumières pendant très longtemps. Donc ça lui prend énormément de temps de préparation. Et Coppola, lui, au contraire, veut que le jeu de ses acteurs soit extrêmement vivant. Donc il leur demande d'improviser, il leur demande de se déplacer de façon qui est imprévue par rapport à ce qui a été décidé avec le directeur photo. Et donc sur le tournage, ça crée des tensions énormes. La Paramount prend le parti de Gordon Willis, évidemment, mais devant l'insistance des acteurs, notamment de Marlon Brando, qui va dire « si vous virez Coppola, moi je pars avec lui », au final, tout le monde fait contre bonne fortune bon cœur et décide de travailler ensemble, mais ça a été très, très difficile. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, pour l'histoire du cinéma, c'est qu'au fond, il y a là deux générations qui s'affrontent. Coppola, qui est un jeune réalisateur qui fait partie de cette nouvelle vague américaine, Spielberg, Lucas, et ce vieux Gordon Willis. Et ce que lui dit Coppola, c'est la technique doit suivre le jeu. Tout à fait. Tout à fait. C'est deux façons d'envisager la réalisation cinématographique. À ce moment-là, Coppola a 31 ans. Il est tout jeune. Il est vraiment en train de s'emparer d'Hollywood avec les autres, avec les Lucas, les Spielberg, les Friedkin. Et c'est une nouvelle façon de faire qui a du succès, donc on les laisse faire jusqu'à un certain point. Mais effectivement, il y a encore dans cette Hollywood, cette machine institutionnalisée, des représentants, des artistes de cette façon de faire à l'ancienne, beaucoup plus cadrée. Tu te places sur ton X. Voilà, on est sur le X, on ne bouge pas, on fait comme on a dit. Ouais. Et effectivement, tous ces jeunes réalisateurs vont venir bouleverser tout ça. Mais au final, cet éclairage, cette direction photo de Gordon Willis, elle fait partie des grandes qualités de ce film-là. Il travaille... Donc, tout ce qui est... Il y a une symbolique qu'il travaille avec Coppola. Tout ce qui est lié au côté sombre de la famille, la criminalité et dans l'obscurité. Voilà. Et tout ce qui est le mariage, la vie... Exactement. Officiel, honorable. Et dans la lumière. Et dans la lumière. Tout à fait. Alors Gordon Willis, c'est drôle d'ailleurs parce qu'il a hérité du surnom le prince des ténèbres après avoir tourné ce film-là, parce que c'est un homme qui était capable d'aller chercher une profondeur dans les noirs, dans les ombres, dans les obscurités qui était extraordinaire. Et effectivement, le parrain s'ouvre sur cette dichotomie. À l'extérieur, on a un mariage. Tout est joyeux, lumineux, extrêmement vivant, ensoleillé. Et on fait des champs contre champs entre l'intérieur de la maison et l'extérieur. Et à l'intérieur, on a Brando sur son fauteuil, dans l'ombre. On sent qu'on est dans un monde interlope, se crée avec des choses qui se négocient, qui ne devraient pas être dans la lumière. Bref, la lumière est extrêmement symbolique dans le parrain. Parlons-en de Brando, de Pacino, des comédiens en fait, parce que l'une des forces de ce film, c'est la force des personnages, hein, la famille, on y revient, mais incarné par des personnages, et ces acteurs vraiment qui sont exceptionnels. Ah oui, Al Pacino vraiment donne une des performances les plus remarquables de sa carrière, d'ailleurs ça l'a lancé, c'est après qu'il va faire Serpico, etc. Brando va gagner l'Oscar pour ce... C'est drôle, c'est l'Oscar du meilleur acteur, mais qu'il n'ira pas chercher, parce que c'est la fameuse fois où il a envoyé une jeune indienne pour protester contre le traitement réservé aux Indiens. Mais ça reste un de ses rôles les plus marquants, même s'il a refusé l'Oscar. Ça reste une de ses performances les plus extraordinaires. Et puis effectivement, on a James Caan, on a Robert Duvall aussi qui joue le fils illégitime d'une certaine façon du parrain, puisque c'est son conseiller qui n'est pas italien et qui logiquement devrait hériter de l'Empire parce que c'est le plus à même de comprendre comment marche cette organisation, mais parce qu'il n'est pas italien, ne pourra pas hériter de tout ça. Bref, c'est des compositions d'acteurs qui ne sont jamais dans l'excès. On n'est pas du tout dans des interprétations baroques ou fantasques. Au contraire, on est dans la retenue constamment, dans les regards extrêmement profonds et pénétrants. Tout se joue de façon extrêmement intelligente, retenue, mesurée. T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois... Ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Écoute-moi. Je m'en occupe personnellement. Merci. Le parrain, c'est aussi Hélène Faradji, des répliques comme celles qu'on vient d'entendre qui vont devenir célèbres. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et des séquences, racontez-nous un peu ce qui va se passer, parce que ce qu'on vient d'entendre, cette offre qu'il ne pourra pas refuser, va se traduire par une scène qui, elle aussi, deviendra célèbre, parce que c'est ça, le parrain aussi, des scènes mythiques. Évidemment, on est dans un univers criminel, donc la violence n'échappe pas au parrain. Comme on le disait tout à l'heure, c'est cette ambivalence entre la lumière et l'ombre. La lumière, c'est cet acteur qui a besoin de faire sa place à Hollywood, qui va demander de l'aide au parrain. Le parrain lui dit « Ne t'inquiète de rien, reste dans la lumière et dans l'ombre, ce qui va se passer, c'est que le parrain va envoyer un de ses hommes de main parler à un producteur hollywoodien qui ne voudra rien entendre. » Qui ne veut pas de cet acteur dans son film. Qui ne veut pas de cet acteur et qui, le lendemain matin, va se réveiller avec la tête de son pur sang favori coupée dans son lit, ensanglantée. C'est une scène incroyablement forte, incroyablement puissante, mais qui montre bien justement cette dichotomie. Donc du côté de la lumière, tout est beau, tout est propre, tout est lisse, et du côté de l'ombre, il se passe des choses absolument atroces. Et ce qui rend le film très beau aussi, c'est cette musique de Nino Rota, extrêmement mélancolique, extrêmement belle. On sent que tout ça se passe sur des terrains émotifs extrêmement profonds aussi, et cette ambivalence est aussi dans la musique de Nino Rota. Qui est importante, effectivement, cette musique dans ce film. Puis il y en aura d'autres séquences, on ne peut pas toutes les passer en revue, mais c'est vraiment un film de répliques et de... C'est un classique, et c'est ça un classique du cinéma. Exactement. Où on se souvient de répliques, où on se souvient de séquences. Il y en aura plein de séquences. Il ne voulait pas faire un film violent, non. Ce qui est un petit peu invraisemblable pour un film sur la mafia. Il y en aura, et c'est des séquences violentes, et c'est ces séquences-là qu'on va retenir, finalement. Évidemment, puis c'est aussi un film de 3 heures, donc qui marche par des scènes comme ça très fortes, qui viennent ponctuer le récit, lui donner du rythme, mais qui se déploie aussi sur... comme on n'en fait plus aujourd'hui, on ne fait plus quasiment de films de 3 heures qui ont cette ampleur-là, qui ont cette force-là relevée par quelques scènes très très fortes. Il y en a beaucoup, effectivement. Et puis, comme dans tous les films classiques de l'histoire du cinéma, il y a des petites légendes. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais Al Pacino a aussi été choisi parce que ses grands-parents maternels venaient du village de Corleone, en Sicile. Ah bon? C'est les petits détails qui font la légende, ouais, des films. Ce sera un succès extraordinaire, ce premier film des Parrains, tant et si bien qu'on va demander à Coppola de réaliser la suite. Le Parrain 2 sera aussi un énorme succès, 6 Oscars, dont celui du meilleur film, Hélène Faradji. Comment est-ce qu'on parle, les deux premiers? Mais c'est un des rares cas où le numéro 2 est meilleur, ouais, que le numéro 1. Ça n'arrive pas souvent dans l'histoire du cinéma. Et il est meilleur parce que Puzo et Coppola ont une idée dramatique absolument géniale, qui est de mettre en parallèle l'arrivée de Don Corleone aux États-Unis, donc en 1901. C'est l'immigration, c'est comment se construit l'Amérique à travers ces immigrants, comment est-ce que le monde criminel aussi prend son ampleur. Donc en parallèle, cette arrivée, cette immigration... Et les années 50-60, avec l'ascension de Michael Corleone, qui essaye de devenir un homme plus respectable, de cacher ses liens avec la mafia ou son implication dans la mafia en s'acoquinant avec des politiques. Le film va aussi se déployer jusqu'à Cuba. Donc on va être dans la révolution castriste. C'est un film extrêmement important, profond, peut-être plus intérieur que le, ouais, premier, qui était plus axé sur la famille. Coppola va accepter finalement de réaliser un troisième et dernier volet du Parrain dans les années 80. Est-ce que c'est le film de trop, Hélène Faradji? Probablement le film de trop, parce qu'il demande en fait à des acteurs peut-être moins expérimentés que De Niro, Pacino et Brando de jouer dedans, c'est-à-dire Andy Garcia et sa propre fille Sofia Coppola, qui va gagner le Razzie de la pire actrice pour ce rôle-là de la fille de Michael Corleone. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois le personnage de Pacino qui, dans le troisième volet, est pris de remords. Ouais. On le sent, il a le diabète, il ne va pas bien, il est sur la fin de sa vie, il essaye de se racheter, mais la malédiction est trop forte, il va perdre évidemment. C'est le film de trop probablement, mais reste que quand on voit les trois films ensemble, on a tout de même le sentiment d'une œuvre qui s'est construite sur trois films, sur plusieurs années, avec une ampleur inouïe. Hélène Faradji, critique de cinéma et dimestre de la section cinéma du site radiocanada.ca. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.